L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. L'antimatière tombe-t-elle ? Cette question pourrait sembler loufoque, mais elle est très sérieuse. Actuellement, en cours d'étude au CERN, elle pourrait révéler des surprises aux conséquences révolutionnaires. Une particule et son antiparticule se ressemblent beaucoup. Elles ont la même énergie de masse, mais toutes leurs caractéristiques quantiques sont opposées. Charge électrique, spin, isospin, moment magnétique. Cela signifie que les forces électromagnétiques qui agissent sur les antiparticules ou que produisent ces dernières sont exactement opposées à celles des particules correspondantes. Alors qu'un proton sera accéléré dans un champ électrique vers l'électrode moins, l'antiproton sera accéléré dans le sens opposé. Alors qu'un électron tournera dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un champ magnétique, le positron, un antiélectron, lui, tournera dans le sens contraire. Il ne paraît pas dénué de sens de se poser la question « Qu'en est-il avec la gravitation ?» La force de gravitation est-elle différente entre une particule et son antiparticule ? Cette question est d'autant plus intéressante que personne n'a encore pu y répondre expérimentalement. Évidemment, on sait que la masse des antiparticules n'est pas négative. L'énergie de masse d'un positron est la même que celle d'un électron, 511 keV. Quand un électron rencontre un positron, c'est d'ailleurs bien deux photons de 511 keV chacun qui sont créés. Mais la masse d'un objet ou d'une particule peut être vue de deux manières. D'une part, la caractéristique qui subit un champ de gravitation, la masse inertielle, et d'autre part, la caractéristique qui produit un champ de gravitation autour d'elle, la masse gravitationnelle. Ces deux aspects ne sont pas forcément semblables entre une particule et son antiparticule. Le ratio masse gravitationnelle sur masse inertielle vaut 1,0 pour la matière, un atome d'hydrogène par exemple. Le principal but de l'expérience AEGIS, Anti-Hydrogen Experiment Gravity Interferometry Spectrometry, au CERN, est de mesurer directement et pour la première fois l'accélération gravitationnelle de la Terre, qui est de la bonne vieille matière, sur des atomes d'anti-hydrogène, de l'antimatière donc. AEGIS est une vaste collaboration qui regroupe des dizaines de physiciens d'un peu partout en Europe. L'expérience utilise des atomes d'anti-hydrogène pour la bonne raison que les antiparticules les plus aisées à utiliser, les positrons et les antiprotons, prises seules, sont électriquement chargées. Or, les forces électromagnétiques sont bien plus intenses que ne l'est la gravitation. On n'arrive tout simplement pas à avoir l'effet de la gravitation sur une particule chargée. Il faut donc fabriquer spécialement des atomes d'anti-hydrogène, ce qui n'est pas du tout une mince affaire. Pour fabriquer un faisceau d'atomes d'antihydrogène, les physiciens utilisent les antiprotons fabriqués au CERN pour les besoins du LHC et, par de complexes manipulations, parviennent à leur ajouter des antiélectrons qui viennent presque naturellement se mettre en orbite des antiprotons pour former ce que l'on peut appeler de l'antihydrogène. Ces différentes manipulations sont les suivantes. Tout d'abord, une production de positrons, E+, à partir d'une source de sodium. Puis la capture et l'accumulation d'antiprotons provenant du ralentisseur d'antiprotons du CERN dans un piège de Penning. Ensuite, la production de positronium, qui sont un couple électron-positron en interaction électromagnétique de durée et de vie très courte. On fait ça par bombardement de positrons. Vient ensuite l'excitation des positroniums par laser, puis la recombinaison en antihydrogène par échange de charge entre les positroniums et les antiprotons refroidis, avec éjection des électrons bien sûr, et enfin la formation d'un faisceau horizontal par accélération Stark, avec des champs électriques inhomogènes. Le faisceau d'antihydrogène ainsi produit est horizontal. Il est ensuite envoyé, sous vide bien sûr, dans un dispositif qu'on appelle un déflectomètre de Moiré. le déflectomètre de Moiret sépare le faisceau initial en deux faisceaux parallèles qui forment une structure périodique. C'est grâce à la mesure précise de cette structure périodique que les physiciens parviennent à évaluer le mouvement des antiatomes par rapport à l'horizontale. Le déflectomètre est couplé à un détecteur sensible à la position des particules et qui permet alors de mesurer la différence observée à l'arrivée de l'altitude par rapport à l'altitude d'origine du faisceau. Ensuite, l'intensité de la force de gravitation à l'œuvre est déterminée en connaissant le temps de vol de ces antiatomes entre le moment de leur formation et celui de leur arrivée. Les physiciens peuvent en déduire si les atomes d'antihydrogène tombent comme l'hydrogène, s'ils tombent plus vite ou moins vite, ou bien s'ils montent. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas encore la réponse. L'expérience vient tout juste de démarrer et le processus d'élaboration du faisceau d'antiatomes, comme on l'a vu, est très complexe. Pendant ce temps-là, une autre expérience, elle aussi installée au plus près des meilleures sources d'antiprotons au CERN, dénommée Alpha, s'attache à mesurer les différences potentielles entre l'hydrogène et l'antihydrogène. Alpha a développé pour cela un système élaboré de piégeage d'antihydrogène. Grâce à leur système, les physiciens d'Alpha ont eu l'idée de regarder dans quelle zone se retrouvaient leurs antiatomes en fonction du temps, afin d'observer leur chute libre ou montée libre. Et ils ont publié il y a quelques mois leurs premiers résultats, qui sont encore avec une grosse barre d'erreur, mais ils offrent une technique potentiellement puissante pour ce type de mesure qui pourra être améliorée pour gagner en précision. Le ratio mg sur m, masse gravitationnelle sur masse inertielle, qu'ils déduisent pour les atomes d'antihydrogène, est compris entre moins 75 et plus 110. Rappelons que ce ratio vaut 1 pour l'hydrogène. Donc tout est encore possible. Bon, à ce stade, vous vous dites qu'impliqueraient des antiatomes qui montent au lieu de chuter? C'est une bonne question. Ouais. Si tel est le cas, nous sommes en face d'une révolution conceptuelle. Nous devrons abandonner le principe d'équivalence faible qui stipule que tout corps se comporte de la même façon dans un champ gravitationnel, quelle que soit sa masse. Mais il y a pire, ou bien mieux. Hein. S'il y a une réelle répulsion gravitationnelle entre matière et antimatière, on peut aussi penser qu'il y a répulsion entre l'antimatière et elle-même. Ah oui. De même, de manière antisymétrique à ce que l'on connaît en électromagnétisme, où deux charges identiques se repoussent et deux charges différentes s'attirent. Les implications cosmologiques sont considérables. On pourrait enfin comprendre pour quelles raisons on observe une asymétrie entre matière et antimatière dans l'univers. Si l'antimatière n'est pas attirée par la matière, mais au contraire la repousse, elle aurait pu se décorréler de la matière au cours de l'univers très primordial, et en quelque sorte s'en éloigner pour peupler des zones de l'univers non observables aujourd'hui. De plus, si l'antimatière se repousse elle-même, cela signifie que les antiparticules primordiales, antiprotons et positrons, se sont peut-être accouplées par interaction électromagnétique, mais ensuite les antiatomes d'hydrogène n'auraient pas pu s'agglutiner autour des halos de matière noire dans l'univers primordial. C'est-à-dire pas d'anti-étoiles, pas d'anti-galaxies. L'anti-hydrogène est voué dans ces conditions à errer seul dans l'espace infini. Enfin, et c'est peut-être le plus troublant, des théoriciens ont montré qu'avec une antimatière répulsive, en faisant la simple hypothèse d'une symétrie originelle exacte entre quantité de matière et d'antimatière, l'univers pourrait être très différent de ce que l'on pense aujourd'hui, car ne nécessitant plus l'ajout d'une phase inflationnaire ni d'énergie noire. Bon, il y a sans doute un peu trop de « si » dans mes dernières phrases. Avant de refaire le monde, attendons un peu les futurs résultats de ces expériences qui sont assez méconnues et sans doute les plus passionnantes du moment. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez à l'écoute tout l'été sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. À très bientôt.